Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Kiberlin, actrice. Bonjour Sandrine, êtes-vous anti-âge ? Du tout. J'aime tous les âges. J'aime beaucoup le mot âge. Et j'espère avoir longtemps des âges. Quelle est la meilleure façon de vous dérider ? Ça ne déride pas, mais de me faire rire. Quelles sont les rides qui parlent de vous ? Toutes celles que l'on voit. Si vous étiez une ride ? Ridicule. Si on lisait dans vos rides comme dans un livre ouvert, quel livre seriez-vous ? Un livre d'amour. Ride, tout doit disparaître ? Non. Ride, tout doit apparaître. Dans la peau de qui aimeriez-vous être ? De personne d'autre que de moi. Merci Sandrine. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est comme s'il incarnait l'entrée de Paris dans la modernité. Le baron Haussmann, mort en 1891 à l'âge de 82 ans, a en effet transformé cette ville pittoresque mais sale en une cité certes efficace mais également très normée, trop normée, au point d'en être ennuyeuse. C'est en tout cas le débat qui agite les Français depuis que leur capitale a été bouleversée de fond en comble à l'issue de 17 années de travaux sans égal. C'est également cette question que nous aurons en tête tout au long de notre semaine consacrée au préfet de la Seine. Le mardi, vous le savez, c'est le jour de notre traditionnel parcours de l'œuvre. Nous raconterons en détail le moment de la vie d'Haussmann durant lequel il s'est attelé à remodeler la capitale. Ce sera avec Nicolas Chaudin. Mercredi, nous ferons un pas de côté pour évoquer deux architectes importants du Second Empire, Charles Garnier et Gabriel Daviou, auteurs respectivement de l'Opéra de Paris et du Théâtre du Châtelet. Enfin, jeudi, nous regarderons l'œuvre du préfet de la Seine depuis l'époque contemporaine. Ce sera avec l'architecte Umberto Napolitano qui nous expliquera en quoi cet urbanisme haussmannien pourrait bien constituer un modèle de ville durable. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie d'Haussmann, surtout avant et après les grands travaux parisiens, nous sommes en compagnie de Georges Valence, journaliste, ancien directeur délégué de L'Express, également écrivain, auteur en particulier de plusieurs biographies, celle de Poincaré, celle de Giscard d'Estaing ou encore celle de Thiers, sans compter, bien sûr, celle intitulée Haussmann le Grand, publiée en 2000 aux éditions Flammarion. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres. J'ai vu le jour à Paris, le 27 mars 1809, dans un petit hôtel entre cour et jardin qui dépendait de l'ancienne propriété du fermier général Beaujon, et que, préfet de la Seine, je fis démolir pour former la petite place où finit le boulevard Haussmann et commence l'avenue de Friedland, tout en haut du faubourg Saint-Honoré. Je fus baptisé, peu de jours après, au temple réformé de l'Oratoire, dégagé complètement du côté de la rue de Rivoli. Puis, restauré par M. Baltard, suivant mes indications, 50 ans après. L'église de la confession d'Augsbourg, à laquelle appartient ma famille, n'avait pas encore de lieu de culte à Paris. De même que ma sœur aînée, je fus nourri par ma mère. Celle-ci venait de compléter ses 20 ans lorsque je vins au monde. Et on commence avec cet extrait des mémoires d'Haussmann, lu ici par Pierre-Marie Baudouin. Bonjour Georges Valence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors quand le baron, futur urbaniste, raconte qu'il a fait détruire la maison qu'il a vue naître pour y faire passer une avenue, on entend quand même le genre de personnalité qu'était cet homme. C'était pas vraiment un sentimental, le baron Haussmann. Ah non, pas du tout. Et d'abord au début, ce n'est pas un urbaniste. C'est ça qui est formidable. C'est un fonctionnaire. C'est un juriste même. C'est un juriste. Enfin, il a fait de vagues études de droit. Comme il connaissait bien, qu'il avait connu Henri IV, le fils de Louis-Philippe, il s'est fait pistonner pour être secrétaire général d'une préfecture. En fait, il aurait dû être notaire. C'était à ça que le destinaient ses études. Oui, ou avocat, ou fonctionnaire. En fait, il était parti pour être fonctionnaire. Et dans tous les cas, être préfet à l'époque, ce n'était pas être humaniste. C'est ça qui est formidable. En tous les cas, ça n'était pas, je le disais, un sentimental. C'était même quelqu'un, peut-être, d'un peu brutal. Ah oui, d'abord, il l'a montré dans Paris. La citation dont vous avez parlé. Et globalement, c'était un homme vraiment assez, assez brutal. Et, mais comment dire, mais très franc. C'est un homme de l'Est, hein. Moi aussi, hein, c'est pour ça. Ah, d'accord. Non, mais c'est un homme de l'Est. C'est une famille, toute la famille est allemande, des deux côtés, origine allemande, puis alsacien, mais allemande. C'est-à-dire des Allemands venus en Alsace. Après, d'ailleurs, c'est formidable, même, l'arrivée de la famille. Un truc que je n'ai pas compris, c'est que pourquoi une famille protestante, luthérienne, qui avait fui la région de Cologne, parce que catholique, pour aller en Saxe protestante, pourquoi cette famille-là était venue se réfugier en Alsace, qui venait d'être annexée par la France catholique. Alors pourquoi ? Malgré la révocation de l'Église. Eh bien, pour une raison assez simple, qu'on oublie tout le temps, c'est que le traité de Westphalie, qui a donné l'Alsace à la France, prévoyait que les religions seraient respectées, seraient sous contrôle international. C'est-à-dire que la capacité d'être protestant en Alsace était garantie par les traités. C'est bien que quand Louis XIV a fait l'énorme erreur, évidemment, de la révocation de l'édit de Nantes, ça ne pouvait pas s'appliquer à l'Alsace. Donc c'est ça qu'il faut comprendre d'abord pour comprendre le préfet Haussmann et même garçon Georges Eugène Haussmann avant qu'il ne devienne préfet, c'est que il se sent un paria, il se sent quelqu'un qui fait partie d'une minorité, la minorité protestante. C'est très important ça pour comprendre sa psychologie. Oui, mais avec cette nuance, c'est que la Révolution française leur avait permis de ne plus penser qu'ils étaient parias. Parce que lui, il n'était pas né à la Révolution. Or, la famille des deux côtés, hein, du père et de la mère, les Haussmann et Denzel, étaient des gens qui ont joué à fond la Révolution française. Ça, c'est très intéressant. Ils appartenaient à une sorte de clan, pour être positif, on appelait les Alsaciens, les gens de l'Est. Et ceux-là étaient vraiment à fond pour la Révolution, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et tout. Et deuxièmement, pour l'annexion de la rive gauche du Rhin. Donc les deux grands-parents d'Haussmann sont des conventionnels. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Et en plus, l'un, Denzel. Denzel, c'est un cas fantastique. C'est son grand-père maternel. Eh bien, Denzel était un pasteur protestant, luthérien. Il est parti. Parce que quand Louis XVI a aidé les insurgés américains, il a envoyé des régiments. Mais comme toujours, les régiments qu'on envoyait étaient des régiments allemands. C'était des mercenaires allemands. Et le principal régiment, c'était le régiment Royal de Pont, donc, qui était un régiment Tupinatina. Eh bien, l'allemand Denzel est parti comme allemand dans le régiment pour être l'aumônier militaire du régiment. Or, ce qui est aussi étonnant comme histoire, c'est que quand Louis XVI a finalement conclu le traité de Paris, traité de Versailles, et où donc les États-Unis ont obtenu leur indépendance, etc. et tout, le roi a fait un truc assez étonnant, il a accordé la nationalité française. La citoyenneté française, la nationalité française, on disait pas encore citoyen, la nationalité française, aux gens qui avaient participé. Donc, c'est pour ça qu'Enzel est devenu français parce qu'il avait participé à la guerre d'indépendance de l'Amérique. Alors ça explique peut-être, Georges Valence, l'attachement de Haussmann à la France quand il va faire la carrière qu'on va raconter toute cette semaine, puis qu'il va cesser d'être le préfet de la Seine, des Allemands, des autorités allemandes vont lui demander de venir faire la même chose à Berlin. Et il va toujours refuser. Ah, et oui, il sera même offusqué qu'on puisse lui demander cela. En colère. Oui, d'ailleurs, vous savez que les gens de l'Est, on disait qu'on était deux fois français. Parce qu'on était nés, on était parce que nos parents avaient conquis, avaient obtenu de devenir français. Oui, on comprend pas Haussmann si on ne sait pas ça. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors racontons un petit peu, Georges Valence, cette enfance de Haussmann. Il faut dire d'abord que c'est un enfant de constitution fragile et c'est assez paradoxal parce qu'on sait que plus tard dans sa vie il va devenir une espèce de force de la nature. Enfin en tous les cas c'est comme ça qu'il sera décrit. Oui, c'est vrai. Mais enfin c'était quand même un enfant extrêmement malingre. Il a été plutôt très bien élevé. Sa famille avait une propriété dans les Mouchavilles. Il allait jouer dans les Mouchavilles. Donc élevé par son grand-père, justement. Oui. C'était pas exactement. C'était pas un pauvre. Et c'est un enfant qui a été bien élevé, qui a bien mangé et tout. Donc il n'y a pas d'étonnement à ce que ça devienne un homme solide, surtout que la famille était quand même solide. Donc il naît le 27 mars 1809, donc dans ce petit hôtel qu'il n'hésitera pas à faire démolir, on l'entendait dans la première archive de cette émission. Il naît à une époque où sous Napoléon Ier, Paris est déjà en travaux. Et ça, il faut quand même le préciser, Paris n'a pas complètement changé sous Napoléon III. Beaucoup d'idées qui ont été ensuite mises en pratique par Haussmann, daté de Napoléon Ier. Pas tellement. Vous pensez à quoi? Alors, le dégagement, par exemple, des grands monuments en faisant de très grandes avenues, ça c'est une idée de Napoléon Ier, et puis aussi un certain nombre de développements destinés à améliorer la vie quotidienne des Parisiens. Oui, notamment les ponts. Napoléon Ier était assez limité en travaux, non? Oui, alors il n'a pas fait beaucoup de travaux, mais précisément un certain nombre de plans étaient déjà dans les cartons et il a peut-être fallu la personnalité de quelqu'un comme Haussmann pour les mettre en œuvre. La personnalité d'Haussmann et la volonté de l'empereur. Je crois qu'il ne faut même pas oublier Napoléon III. La tendance, alors évidemment, moi, en écrivant un livre sur Haussmann, j'aurais un peu tendance à privilégier. Mais en réalité, c'est quand même Napoléon III qui a donné les premiers plans. C'est lui qui avait les premiers plans, c'est pas Haussmann. Haussmann, c'était un petit préfet, entre guillemets, un préfet de Lyon, qui, dans Lyon, s'était surtout distingué par la répression de la révolte des bûcherons. Alors n'allez pas trop vite quand même, Georges Valence, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire avant d'arriver au moment où préfet de Lyon. C'est quand même Napoléon III qui a convoqué, qui l'a nommé, et qui lui a dit, voilà, faites-moi ça. Alors, pour revenir quand même à son enfance, qui se passe donc à Chaville, il parle de son grand-père, qui est un homme méthodique, qui est sensé, qui est bien réglé, et à qui il doit, dit-il, le sentiment du devoir. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que Haussmann, c'est quelqu'un qui est précisément guidé par le sentiment du devoir? Oui. Il a montré, même quand il était... Bon, il a été, on en parlera, il a été longtemps dans des petits postes et tout, mais bon, il n'était pas content, il était un peu amer, mais il faisait son boulot. Et à chaque fois, il a essayé de trouver des choses intéressantes à créer. Par exemple, un endroit, des ponts, des écoles, etc. Tout. Donc c'est un homme de devoir, ça c'est évident. C'est un protestant. Oui, ça c'est important qu'il soit protestant. Oui, ah, très important. Très important. Et pour lui, c'est essentiel. Il évoque souvent, enfin, sa religion est essentielle. En quoi? Eh bien, justement, d'abord, une certaine, euh, distance vis-à-vis évidemment des catholiques, vis-à-vis de l'État, etc. et tout, et une certaine, enfin, certaine. Regardez comment les Allemands, comment les luthériens en général sont ont été bien meilleurs industriels ou industrialistes que les catholiques. Mm-hmm. C'est la thèse de Weber. Absolument. Mm. Je pensais à lui. Et franchement, Haussmann participe à ça. Bah d'ailleurs, sa famille est une famille d'industriels du textile. Oui, ce sont des en Alsace. Ils avaient d'ailleurs les usines existent encore. Hein. Je suis allé voir, évidemment, c'est pas chez moi, et elles existent encore et tout. Et oui. Elles s'appellent encore les usines Haussmann. Non, bien sûr que non. Parce que Haussmann, ça veut dire quoi en allemand? Bon, la maison, l'homme de la maison, le domestique. Le domestique, au sens propre, hein, traduction latine, domestique. Et on va beaucoup se moquer de lui, justement, pour ce nom-là, non? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, en douce, hein. Parce que, comme il était quand même très puissant, et que, on en reparlera, que ses collègues du régime voulaient bénéficier de tuyaux, il faisait attention de ne pas attaquer, quoi. Alors, il y a donc cette première partie de l'enfance de Haussmann qui se passe donc à Chaville chez son grand-père. Et puis, c'est la chute de l'Empire. Alors, vous avez déjà très bien expliqué, mais on peut peut-être y revenir un tout petit peu, Georges Valence, que finalement, l'histoire des Haussmann et puis finalement l'histoire de la carrière de Georges-Eugène Haussmann suit finalement les histoires et les développements politiques depuis la Révolution jusqu'à la fin de l'Empire. Est-ce que vous pouvez retracer un petit peu. La chute de Napoléon Ier sera une catastrophe pour la famille, évidemment. D'ailleurs, vous avez vu comment il s'appelle, ses prénoms, Eugène. Qui c'est Eugène? C'est Eugène de Beauharnais, le fils, entre guillemets, adoptif, préféré de Napoléon Ier. Et, or, par exemple, je suis allé voir des petits cousins, parce qu'il n'y a pas de ligne directe de Haussmann, il y avait un truc très émouvant, il y a toujours à Paris, chez eux, une horloge qui sonne toujours, hein, qui donne toujours les heures, et qui est l'horloge offerte par Eugène Beauharnais à Haussmann, aux parents d'Haussmann pour la naissance du gamin Georges Eugène. Donc toujours est-il que suite à la fin de l'Empire de Napoléon Ier, Georges Eugène est un peu chassé de son paradis champêtre. Il doit retrouver ses parents, dont il se sent d'ailleurs assez mal aimé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations entre le petit Haussmann et ses parents? Mais écoutez, pas grand-chose d'abord parce que ils ont peu parlé eux-mêmes et lui a peu parlé là-dessus. Donc comme dans ses mémoires, il ne parle pas de ses parents. Non, à peine. Mais vous savez, ces mémoires, c'est surtout voilà ce que j'ai fait. Mmh. Oui, c'est ça qui l'intéresse dans ces mémoires. Avec une certaine fatuité d'ailleurs. Oh bah oui. Bah une certaine fierté aussi. Alors il y a quand même. Fait Paris quand même. Il y a des gens qui se vendent pour moins que ça. Hein. Il y a quand même quelques petits détails qu'on arrive à glaner ici ou là. Sa mère, qui était apparemment assez absente de son univers, et puis son père, Nicolas Valentin, qu'il présente alors soit comme un doux rêveur, soit comme quelqu'un d'un petit peu velléitaire, et puis presque un raté. Alors, mais ça, c'est difficile à dire, parce que même s'il va échouer dans un certain nombre d'entreprises économiques qu'il essaye de lancer, en même temps, il est quand même engagé politiquement contre le régime, Georges Valence. Oui. Donc on ne peut pas dire que c'est un raté, comme son fils a l'air de le considérer. Oui, mais enfin quand même, si vous voulez, avec toutes les relations de la famille, avec deux parents, avec deux parents conventionnels quand même, et tout. Après, des gens devenus complètement napoléoniens. Se retrouver avec un petit poste dans l'approvisionnement des armées, franchement, c'est être raté. Oui. Avec toutes ces relations, c'est trop tard. Haussmann, était très, très en colère contre son père quelque part. Alors c'est peut-être pour éviter ce sort-là et parce qu'il y a une rage chez le jeune Haussmann que il va beaucoup investir dans ses études et il va devenir au fond un excellent élève. Oui, enfin, faut pas exagérer. Hein. Non, je crois que non. Ce qui est certain, c'est que vraiment, il a eu toujours une volonté de réussir, très très forte. Même de manière assez lamentable. Quand on voit à chaque fois qu'il est nommé quelque part et tout, un petit poste, il a que des petits postes. Hein. Il a un caractère que les gens n'aiment pas. En plus, il est protestant. Mais quand même, sous Louis-Philippe, ça joue pas, hein, ça joue beaucoup moins. Et tout. Mais à chaque fois, par exemple, qu'il est nommé quelque part, il envoie une lettre quand même de remerciement au ministre ou au préfet. Et il met toujours, j'espère, en substance, j'espère travailler, de telle manière que vous me donnerez autre chose. Mais tout de suite. Ouais. C'est-à-dire, il était absolument impossible. Et puis d'ailleurs, il fait jouer toutes ses relations de manière un petit peu éhontée. Ah oui, complètement. Ben, sous toute sa relation. Ouais, mais quelle relation? Oui, le fils du roi. Voilà. Enfin, le fils du roi, à l'époque. C'était le roi des Français. Oui. Donc le fils du roi, c'était à l'époque. Mais quand il le rencontre à Henri IV, il n'est pas encore fils du roi. Oui, absolument. Oui, mais les relations, après, il y a... Et bon, après, effectivement, il a eu un pépin. C'est que le fils du roi s'est tué, pas loin d'ici d'ailleurs, un accident de voiture. Hein. Mm-hmm. Donc ça a été pour lui, pouf. Ouais. Plus de relation. Autre camarade de classe, c'est Alfred de Musset, qui sera son ami. Oui, oui. C'est pas un poète, pourtant, Alfred de Musset, oui, mais enfin, Alfred de Musset était aussi pas mal gay, ou sinon, c'était pas simplement l'homme commun. Mais deuxièmement, Musset en parle peu. C'est surtout... Haussmann qui récupère Haussmann, un petit peu. Comme plus tard, il récupérera Georges Sand. Ouais. C'est un dandy, quand même, Haussmann jeune. Oui, oui, absolument. Absolument. Ah oui, non, c'est un jeune homme qui veut vivre. Mais alors évidemment, c'est pas très drôle parce que ses parents, qui sont donc déclassés, doivent aller habiter dans des endroits de Paris qui sont moins agréables que là où ils avaient l'habitude de vivre. Et notamment, ils doivent se déplacer à un moment donné vers le faubourg Montmartre. Ça n'est pas sans intérêt quand on connaît un petit peu la géographie de Paris et quand on sait que le faubourg Montmartre est près de ce quartier qui s'appelle la Nouvelle Athènes, qui était un quartier vraiment extrêmement moderne de la ville de Paris au moment où Haussmann s'y installe avec sa famille. Et donc, il arpente la ville, il arpente ce quartier de la Nouvelle Athènes, il arpente des taudis. C'est un moment de formation pour lui, cette jeunesse à marcher dans Paris. Mais écoutez, c'est difficile à dire, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est très frappant dans ces postes, ces petits postes, hein, disons les petits postes bien avant Paris, à chaque fois, il s'intéresse beaucoup aux problèmes d'urbanisme. Mmh. Ou à l'eau, tout. C'est intéressant. Les ponts, et avec une phrase très très moderne, en disant la communication est essentielle pour tenir les gens en faveur du régime. Ouais. La communication, hein. Donc vous voyez, maintenant c'est un mot à la mode. Hein. À l'époque, c'était pas le cas. Donc là-dessus, c'est vrai, il a toujours, mais c'est plus il avait une vision politique. C'est un Saint-Simonien. Déjà, ou un, il a quelque ça, chose de... Oui, dans ce qu'il a fait, oui. Dans le mode de financement, oui. Mais là aussi, c'est toujours très difficile. Franchement, avant qu'il soit ministre, on ne s'aperçoit pas un intérêt véritable pour le saint-simonisme. D'abord, à l'époque, il ne connaît personne. L'homme qui était, c'est Napoléon III. Alors, effectivement, après, il a adopté complètement les idées saint-simoniennes, notamment la fameuse idée des dépenses productives, hein, ce que le keynésianisme et tout. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que, mais il l'a fait parce que, d'abord, Napoléon III disait il faut de l'argent et il faut pas d'impôts, donc il faut les emprunts. Et enfin, vous en faites rien, c'était Saint-Simon, ça va produire des choses, etc. Enfin, parce que c'est une question moderne. De comment, finalement, Haussmann va trouver l'argent pour modifier le visage de la ville de l'emprunt. Paris. L'emprunt. La grande différence entre maintenant et l'époque, c'est que maintenant, quand on emprunte, c'est pour payer les salaires. À l'époque, quand on empruntait, c'était pour construire. Mmh. À l'époque de Pompidou en France, on faisait ça, on faisait du saint-simonisme. Mmh. C'est-à-dire que l'État crée des entreprises, etc. Et tout, oui, c'est toujours comme ça qu'on fait. Hein, le dernier grand emprunt a été un grand emprunt d'investissement. Ah non, mais il n'y a plus de quand est-ce. Bah, vous savez bien que Sarkozy a fait un grand emprunt de 35 milliards. Enfin, ce n'est pas vraiment notre sujet là, mais il me semble qu'on est quand même un petit peu... C'est pour construire le Grand Paris, donc c'est un petit peu la même chose. C'était, oui, mais mais à l'époque, les finances de l'État étaient équilibrées. Bon, enfin, ça n'est pas tout à fait notre sujet. Evolution. Evolution. Evolution. Evolution. Evolution. Evolution. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous racontons toujours la vie de Monsieur Haussmann, avec vous, Georges Valence. Il y a un moment très important dans la jeunesse d'Haussmann, c'est le moment où, pendant les Trois Glorieuses, il va se faire un insurgé. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette espèce de tournant dans sa vie ? Ah oui, oui, ça c'est évidemment très important, parce que dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas toujours une révolution. Et il faut savoir la prendre, quoi. Hein, comme il fallait mieux être en 45 en France. Et là, donc, il avait des relations, justement, toujours, dans les milieux plutôt orléanistes, et il a servi d'intermédiaire, enfin, de porte-message. Et là, il était blessé. Mmh. Il était blessé assez sérieusement, mais enfin, pas trop, dans la mesure où il a pu continuer quand même à porter ses messages. Donc, oui. Mais quand même, il était blessé. Surtout, ça lui a permis quand même de recevoir la médaille des Trois Glorieuses. Hein, là, c'est quand même bien. Hein, c'est vraiment la médaille de la résistance. Toujours bien d'avoir une médaille. Non, c'est la médaille de la résistance. Oui, mais c'est comme la médaille. Oui, c'est le moment, en France, vous avez vu ce qui est important, d'avoir la médaille de la résistance. Et lui, il l'avait. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas trompé de côté, là. Il a été du côté, il a porté des messages à Thiers, à Dafitte, enfin à tous ces gens-là. Quoi. Et vous dites même que c'est, pour une fois, une des seules fois peut-être, où Haussmann n'exagère pas dans ses mémoires, quand il dit qu'il s'est vraiment retrouvé au cœur des combats les plus sanglants. Oui, alors, oui, absolument. Entre nous, il s'est trouvé dans ces moments-là, non pas parce qu'il était dans un régiment, il allait porter un message. Oui. Vous vous trompez, on croit qu'on est gentil. Donc là, il se retrouve proche de son père, finalement, qui avait justement milité pendant des années contre le pouvoir. Il y a quelque chose qui se joue ici, familialement, selon oui, vous enfin, oui, enfin, sauf que son père n'a jamais été orléaniste. C'était un Napoléonien. Vous voyez, donc, il faisait rien. Enfin, les partisans de Napoléon, à l'époque, il faisait rien. Enfin, il grognait, quoi. Mais est-ce que la mort de son père va être quelque chose, finalement, de mal vécu par Eugène Haussmann? Écoutez, moi, j'en sais rien. Je dis ça exprès parce qu'il n'y a rien dans ce qu'il dit qui laisse penser ça. Pour commencer, je désirais un poste de secrétaire général de préfecture, où je puisse me préparer à l'administration active par un certain maniement d'affaires. Le 22 mai 1831, je fus attaché comme tel à la préfecture de la Vienne. 22 ans et quelques jours plus tard, le 23 juin 1853, j'étais nommé préfet de la Seine. Donc avec sa belle médaille, avec ses quelques lettres qu'il envoie à droite à gauche pour se faire recommander, il finit quand même par avoir un poste de sous-préfet assez jeune, 22 ans, c'est quand même pas mal. De secrétaire général, pardon, de préfecture. Ah non, oui, mais le problème, c'est vrai, c'est bien. Sauf qu'il va rester 20 ans avant d'être préfet, vous vous rendez compte ? En fait, c'est une carrière qui commence très rapidement, mais qui ensuite s'enlise. Voilà, absolument. Bon, il s'est retrouvé d'abord à Poitiers, bon, très bien, hein, jeune homme et tout. Après, il s'est retrouvé à Issaingeau, vous vous rendez compte ? Ça, c'est pas une promotion. Hein. Ah, vous dites ça, c'est pas très gentil pour les habitants de la commune d'Issaingeau, que nous saluons. Sous-préfet Issaingeau, quand vous arrivez. Vous réfléchissez un peu comme Haussmann, parce que c'est vrai quand il est arrivé à Issaingeau, il disait vous arrivez de Paris. Ben, c'est très bien, vous n'avez plus la pollution. Vous êtes le copain de classe des fils du roi. Vous avez la médaille, les trucs. Vous avez vos études et vous vous trouvez à Saint-Jean. On peut pas dire que c'est une marque très très fort. Vous avez vu, il y a une très belle histoire. Hein, c'est quand il a dormi dans l'hôtel où il y a eu l'auberge où il y a eu. Racontez-nous. Comment s'appelle le film déjà? Où là, c'est une auberge dans la montagne où l'aubergiste avait l'habitude de tuer de massacrer. Oui, c'est vrai. Il est arrivé la veille d'un grand massacre, c'est ça? C'est pas sûr, hein. Il laisse entendre. Oui. Mais bon. Mais. Bon, on sait qu'il est un peu vantard, hein, qu'il aime bien en rajouter un peu dans ses mémoires. Toujours est-il qu'il arrive quand même à 22 ans dans la Vienne. Et là, c'est quelqu'un de très ambitieux et qui va devenir la bête noire des étudiants contestataires de Poitiers. En fait, il va toujours se faire des ennemis à quelques postes qu'il se trouve. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire qu'à Poitiers, c'était les étudiants de Poitiers souvent étaient légitimistes, hein. Donc contre Louis-Philippe. Ouais. Donc lui représentait l'État de Louis-Philippe. Ouais. Donc et là, il s'est pas dégonflé. Il se dégonfle pas en général. Ah non, pas du tout. Il s'est battu quand même à l'épée, hein. Ce qui est pas tout à fait. D'abord, c'est pas évident pour un secrétaire général de préfecture. Ah oui. Et tout, hein, c'est vrai, non, c'est... Ah non. Donc c'est un homme de terrain, c'est pas quelqu'un qui va rester dans les bureaux et commander non, à distance. Absolument. Et ça, c'est intéressant, quand tu vois, il a fait beaucoup, beaucoup de sous-préfectures, hein. Gironde, tout ça, enfin, énormément. Et à chaque fois, il va sur le terrain. Alors, en général, à chaque fois, il essaie de court-circuiter le préfet. Donc, à chaque fois, il est détesté par le gars au-dessus. Et dans ce cas-là, il envoie une lettre au gouvernement. Il le fera d'ailleurs toute sa vie, parce qu'il essaiera de traiter directement avec Napoléon III. Toujours. Et en même temps, il se plaint aussi que des subordonnés fassent exactement la même chose et passent au-dessus de sa tête. C'est l'habitude, non? Et alors, il y a aussi un truc, quand même, il y a eu, effectivement, il n'a pas eu de chance à ce point de vue-là. C'est que il a été protégé, il était protégé aussi par Casimir Perier, qui était le meilleur premier ministre qu'a eu Louis-Philippe. Mais Casimir Perier le soutenait. Ouais. Il le recevait. Alors, vous savez, un premier ministre qui reçoit un petit fonctionnaire comme ça, c'est rare, même maintenant. C'est rare. Eh bien, figurez-vous que, il y a eu, en 1832, il y a eu une épidémie de choléra à Paris. Épidémie terrible, hein. On sait ce que c'est maintenant, on voit ce que c'est, oui. Mais terrible. Il y a vraiment des centaines de morts, il y a des scènes absolument fantastiques, hein, et tout. Et évidemment, il y a les gens disent que c'est les Juifs, que c'est le gouvernement qui empoisonne les puits, etc., etc. Et donc le premier ministre Casimir Perier et le fils du roi sont allés dans les hôpitaux voir les malades. Ouais. Résultat net, 3 jours après, Casimir Perier mourait. Et alors ça a beaucoup frappé Haussmann. Surtout que c'est très important. C'est une relation en moins. Oui, alors c'est et vrai. Et après, il pouvait voir quelqu'un à Paris. Mais le choléra aussi à Paris donner à Haussmann l'intuition très forte. Absolument. Qu'il faut faire circuler de l'air dans Paris, qu'il faut éradiquer les taudis. À Haussmann, il y a Napoléon III. Aussi créer des égouts dignes de ce nom, faire circuler l'eau, etc., etc. Donc c'est pas rien ce moment du choléra. Ah non, tout à fait. C'est un élément très important dans la réflexion même sur la ville, pas seulement de lui. Enfin, je veux dire Rambuteau et tout. Vous voyez, c'était tellement, c'était quand même une épidémie extrêmement brutale, extrêmement importante à Paris. Donc il y a évidemment un Haussmann brutal, justement, je reprends votre nom, mais votre mot, mais il y a un Haussmann quand même très visionnaire aussi, qui fait beaucoup pour les populations des préfectures et sous-préfectures dont il a la charge. Ouais. Comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Georges Valence, quand il va quitter Nérac, je crois, où il est également préfet ou sous-préfet. Sous-préfet, oui. Il y a une école et un instituteur dans tous les cantons, ce qui est quasiment inédit en France à cette époque-là. Oui, pas tout à fait, parce qu'il y avait la loi Guizot. Il va être décoré d'ailleurs par Guizot. Oui, il y avait la loi Guizot qui permettait justement de créer ça à condition... En fait, la loi, c'était que si les contribuables d'une commune acceptaient 3 centimes additionnels, l'État rajoutait et on finançait une école. Mm-hmm. C'était, oui, le... Donc l'idée du montage financier est toujours très présente aussi, parce que Haussmann cherche à faire en sorte que les choses se réalisent. Guizot, c'est pas, oui, pas lui. Mais par ailleurs, par exemple, quand il est à Nérac, il négocie avec les propriétaires terriens, pour que ces propriétaires lui donnent des parcelles afin qu'il fasse passer des chemins. Toujours la question de la communication, très importante pour Haussmann. Gratuitement, ces terrains sont donnés à l'État, en échange de quoi, finalement, il argumente que ces terrains prendront de la valeur parce qu'ils seront seront irriguées par des chemins. Donc il y a quand même quelque chose, en effet, de l'homme de terrain chez Haussmann, qui va négocier quasiment chaque mètre carré de la propriété d'un tel ou un tel pour faire passer ces chemins. C'est quoi ce type de haut fonctionnaire-là? C'est quand même donné de sa personne, il faut lui reconnaître Non, tout à fait, oui, non, mais c'est ce que je dis dans mon livre. Hein. Mais j'essaie de répondre à chaque fois ce qui tient au régime et ce qui tient au sous-préfet, quoi. Mais effectivement, à chaque fois, il fait quelque chose. À chaque fois, il laisse quelque chose de concret sur le terrain. C'est pas du tout, il s'occupe pas uniquement de la répression, quoi. Ouais. Alors souvent, le sous-préfet, dans cette époque-là, c'était les flics, quoi. Mm-hmm. Les super flics. Et là encore, cette obsession du chemin, de la voie vicinale, va être aussi à l'origine de l'obsession des chemins de fer dans Paris. Le Paris haussmannien est quand même beaucoup construit autour de ces gares, Georges Valence. Oui, mais je signale quand même que les gares étaient faites avant. Les avenues vont directement d'une gare à une autre pour permettre de les connecter entre elles. Enfin, cette idée de la communication est très présente. Paris, c'est d'abord un plan de route, non, de rue. On en parlera. Le travail d'Haussmann à Paris, c'est trois choses. C'est les rues, les maisons et, on oublie tout trop souvent, et les services. Genre eau, impôts, gaz. Oui, gaz, tout ça, c'est formidable. C'est formidable. Voici le portrait de l'homme physique qui est comme le résumé, le symbole, le plan géométrique de l'homme intérieur. Monsieur Haussmann est très grand. C'est le plus grand des fonctionnaires connus. Mais comme la plupart des constructions qu'il a inspirées, il brille par la dimension bien plus que par la grâce et l'harmonie. Ce n'est pas Apollon, c'est le Titan. Il a les épaules larges, un peu abaissées, comme si elles portaient beaucoup de choses et beaucoup de gens. Il a les jambes robustes, les pieds et les mains d'assez fortes dimensions. C'est un homme solide qui ne lâche pas aisément ce qu'il tient et qu'on déracinerait moins facilement que les arbres transplantés par son ordre. Sa barbe et ses cheveux bruns maintiennent le printemps autour de son visage, comme ces squares que l'ingénieuse coquetterie du magistrat a semés sur les buttes dévastées, sur les plaines arides. Il parle volontiers de toutes choses. Sa voix sourde, voilée, et penche non dans une causerie, mais dans un monologue perpétuel des idées justes, sur tous les sujets, mais des idées banales. Il n'intéresse que quand il parle de ce qui est sa fonction, sa mission, son lot spécial, Paris et les travaux de Paris. Alors il sort des banalités, il devient éloquent, il a des mots incisifs, des audaces d'opposition, des accès de fierté, il explique admirablement ce qu'il veut. Il anime son ambition et lui met l'auréole qu'il voudrait voir respectée par l'avenir. Et c'est toujours la Compagnie des œuvres que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de Haussmann avec vous, Georges Valence. Ça, c'est un portrait paru dans le Figaro dans les années 1860. À partir du moment où il sera préfet de la Seine, il va en effet devenir un personnage vraiment célèbre, connu de tous les Parisiens et peut-être de la France entière d'ailleurs. Oui. Surtout de Paris, hein. Parce que vous savez, la France entière, à ce moment-là, ils n'étaient pas. Il faut voir l'opinion, il faut se rendre compte de l'époque où on est. Hein. Il n'y a pas de radio, les journaux, c'est lu simplement par une toute petite minorité, etc. Enfin, c'est un personnage public quand même, Oui, mais moi, public à l'époque, c'est à Paris, quoi. C'était vraiment le grand personnage de Paris. Oui. Mais déjà avant, en province, donc on a dit qu'il était allé à Yssingeau, à Nérac. Ensuite, il va aller à Blaye. On n'a pas dit qu'il s'était marié aussi, entre-temps, parce que c'est quelqu'un qui aime bien les femmes, d'ailleurs. Oui. On ne peut pas dire qu'il a épousé une femme telle que celle qu'il fréquentait. Voilà. Je veux dire, il fréquentait en général les très jolies femmes. En l'occurrence, il a vraiment fait un mariage plutôt de famille et d'argent. Parce que lui-même n'avait pas beaucoup d'argent familialement, donc il épouse une héritière d'une grande famille de Bordeaux. Oui, absolument. Pas très jolie. Hein. Elle s'est moquée beaucoup de lui, quand même. Elle avait de l'humour. Par exemple, elle disait plus tard, c'est curieux, mon mari, on ne devient pas riche, mais alors chaque fois qu'on voit des amis, ils deviennent riches après, il leur donnait des tuyaux pour faire le malin. Alors ça, c'est intéressant, le rapport à l'argent de Haussmann, parce que lui-même, en effet, a brassé beaucoup d'argent pour le compte des autres, mais il n'a jamais tellement réussi à s'enrichir lui-même. Oui, alors oui, ça c'est intéressant parce que on a beaucoup dit qu'il était intéressé et tout. C'est dit beaucoup dit à toute opposition, Jules Ferry et tout. Or j'ai regardé notamment les actes de notarieux de l'époque. Et vraiment, et là honnêtement, quand il est mort, il était derrière près de la Concorde, un petit appartement de rien. Et là, par exemple. Sa salle de bain, c'était un meuble en sapin avec une vitre fondue. Quand vous avez refait Paris, que vous avez fait notamment les places les plus chères, les jardins, machin et tout, que vous n'avez rien à vous, simplement un petit appartement, vous n'êtes pas voleur. Alors comment vous expliquez ça justement, qu'il ait été à des postes si importants et que finalement il se retrouve presque indigent à la fin de sa vie? Il faut dire que sa vie sera assez longue après le moment où il aura refait à Paris. À l'époque, les grandes familles proches de Napoléon III sont restées très riches. Hein. La défaite à l'époque... C'est... Oui, justement, alors comment ça se fait? Eh bien, écoutez, moi, une idée qui m'a semblé, c'est qu'il était trop orgueilleux pour être vendu. C'est un homme extrêmement orgueilleux. Ça, c'est vraiment un assassin. Quand on est orgueilleux, vraiment, c'est tellement humiliant de voler qu'on ne vole pas. Et le bizarre, c'est que comme il était très orgueilleux, il faisait le malin volontiers. C'est-à-dire que c'est sa femme, ce que sa femme disait, c'est que donc il avait des copains qui lui soutiraient des infos. C'était des délits d'initiés permanents, mais pas pour lui. Un copain, il disait, c'est quoi ta prochaine rue? Les gars, ils achetaient les maisons. Vous imaginez l'argent qu'il faisait? Pas lui. Il aurait pu. Et c'est vrai que sa fierté fait que, comme on le verra probablement davantage demain, il est un petit peu poussé vers la sortie par les gens qui n'en peuvent plus au Conseil de Paris des travaux dans Paris. Napoléon III, qui quand même aimait bien son préfet, va lui offrir des dédommagements très très importants et il va les refuser. Il va demander d'avoir ce qui est prévu pour quelqu'un de son rang dans l'administration et il n'aura même pas en réalité ce qui est prévu pour quelqu'un de son rang dans l'administration. Parce que, oui, mais je dis c'est l'orgueil, c'est la fierté. J'avais devant moi l'un des types les plus extraordinaires de notre temps. Grand, fort, vigoureux, énergique, en même temps que fin, rusé, d'un esprit fertile en ressources. Cet homme audacieux ne craignait pas de se montrer ouvertement ce qu'il était. Avec une complaisance visible pour sa personne, il m'exposait les hauts faits de sa carrière administrative, ne me faisant grâce de rien. Il aurait parlé 6 heures sans s'arrêter, pourvu que ce fût de son sujet favori, de lui-même. L'orgueil du triomphe illuminait son front. Quant à moi, pendant que cette personnalité absorbante s'étalait devant moi avec une sorte de cynisme brutal, je ne pouvais contenir ma satisfaction. Là où le gentilhomme de l'esprit le plus élevé, le plus habile, du caractère le plus droit, le plus noble, échouerait infailliblement, ce vigoureux athlète à l'échine robuste, à l'encolure grossière, plein d'audace et d'habileté, capable d'opposer les expédients aux expédients, les embûches aux embûches, réussira certainement. Avec ce portrait d'Haussmann en grand fauve par, vous l'avez reconnu, Georges Valence, le duc de Persigny, dans une lecture de Pierre-Marie Baudouin. C'était juste au lendemain du coup d'état de Napoléon III. Le duc de Persigny, ministre, avait proposé que Haussmann remplisse un certain nombre de fonctions. Il va d'ailleurs pas tout de suite avoir les fonctions dont il rêvait, alors qu'il pense quand Napoléon III arrive au pouvoir qu'il va tout de suite finalement faire une très très belle carrière. Non, pas encore. Il doit encore faire la police, alors dans un certain nombre d'endroits, notamment dans le Var, pour chasser des opposants, l'être encore très brutal. Pour le coup, c'est peut-être là où il est le plus brutal dans sa carrière. Ah oui, absolument. Dans le Var et dans Lyon. Oui. Parce que dans Lyon, on a oublié, mais franchement, le massacre des paysans révoltés de la forêt de la Puisée, c'est lui. Hein. Et ça, c'était d'une brutalité rare. Alors bon, il a ses fonctions policières. Il va aussi avoir quelques intuitions quand il est sur la Côte d'Azur, par exemple. L'idée que ça pourrait être une destination touristique. Oui, surtout, oui, enfin, ça c'est surtout plus tard qu'il a dit. Hein. Oui. Donc l'intuition, moi j'ai toujours distingué dans mon livre ce qu'il dit. Et ce que on peut penser que c'est repenser après, ouais. Parce que lui, quand même, il a beaucoup vanté. Il s'est beaucoup vanté, parfois au-delà. Mais alors, est-ce qu'il s'est vanté, par exemple, avant Paris, d'avoir réimaginé, sans vraiment le faire, l'organisation de Bordeaux? Il avait l'idée d'un grand Bordeaux. Qu'est-ce que c'était que cette idée d'un grand Bordeaux? Et a-t-il pu finalement mettre cette idée en pratique? Non, mais non, il a été très peu de temps à Bordeaux. Et surtout, il était à Bordeaux quand il y avait des grands problèmes politiques. Rappelez-vous, c'est l'époque où Napoléon III est venu à Bordeaux, a dit « l'Empire, c'est la paix », etc. Enfin, c'était l'installation du régime. Alors, on peut reparler aussi un petit peu de ses relations avec les divers milieux qu'il côtoie, parce que il va absolument partout, dans tous les milieux, sauf évidemment les milieux, enfin je dis évidemment, mais en l'occurrence pour lui, c'est assez évident, les milieux populaires ne l'intéressent pas tellement. En revanche, il fréquente un peu tout le monde, donc y compris les artistes, c'est ça ? Oui, mais pas tellement. Enfin, Georges Sand, dans tous les cas. Oui, mais Georges Sand, ça fait comment que c'est formidable. C'est quand il était à Nérac. C'est lui qui en a fait une histoire formidable, alors c'est bien, hein. Enfin c'est bien. Figurez-vous, il était à Nérac comme sous-préfet, et Madame Georges Sand, qui s'appelait pas comme ça, est venue chercher sa fille que son mari avait plus ou moins conservée. C'était un divorce et tout. Donc elle est venue à Nérac, elle a dîné avec le baron, oui. Et alors, ce qui est amusant, c'est que à l'époque, elle était pas très connue. C'est après qu'il a raconté dans ses livres. Elle avait quand même expérimenté, finalement, dans son canton, les bienfaits de la réorganisation par Haussmann de la région où elle avait sa maison, en fait. Mais sa maison, c'était pas là. Hein. Elle avait apprécié, semble-t-il, l'énergie, le dynamisme du préfet. C'est ce que vous dites dans votre biographie. Oui, non, mais dis surtout Haussmann. Dit surtout Haussmann. Et il dit, alors c'est amusant surtout, comme j'ai dit dans le livre, il essaie, il suggère qu'à la limite, c'est tout juste s'il ne s'est pas tapé, quoi. Il essaie de... Bon, il n'ose pas le dire quand même. Mais non, il est très content de montrer qu'il a reçu ça. Mais il a dit après, hein. Alors plus tard quand même, il va y conduire Georges Sand, qui avait un petit peu envie de le revoir, Georges Valence, vous vous souvenez de cette anecdote ? Oui, mais c'est lui qui le dit. Alors j'ai les citations, comme je le dis, elle avait écrit à Haussmann « Je suis visible comme les étoiles, de minuit à 4 heures du matin », c'est une allusion qui n'est pas très voilée, et il avait répondu « C'est votre droit de vivre à la façon des étoiles, vos sœurs. Quant à moi, je n'ai qu'une seule ressemblance avec le soleil, c'est de me coucher le soir pour me lever le matin. » C'est d'une brutalité, non ? Vous trouvez ? Ah bah oui. Vous croyez qu'il était trop bourgeois, finalement, pour vraiment apprécier quelqu'un comme Georges Sand, une femme libérée ? Non, c'est surtout le rapport aux femmes. Une femme comme Georges Sand ne l'intéressait pas. C'est-à-dire, pour lui, c'était la femme objet. Quand on voit, il avait beaucoup de maîtresses à Paris, mais quand il était un personnage important. Et c'était toujours des très jeunes filles, puisqu'il les habillait avec les mêmes robes que ses filles. Vous vous rendez compte ? C'est assez curieux, hein. Il achetait les mêmes robes. hein, que ces deux filles. Et c'était en général des filles qui étaient, comme on disait à l'époque, des danseuses. Oui, et notamment des danseuses de l'opéra d'ailleurs. L'une de ses maîtresses les plus régulières, disons les plus célèbres, était une femme qui était à l'opéra. Je vous propose de passer maintenant à ce qui a été dit de l'action du baron Haussmann sur Paris avec cet extrait d'un texte d'Edmond Abou paru dans le Paris Guide en 1867. J'avais entrepris un voyage moins long mais plus périlleux que le tour du monde. J'allais du passage Choiseul au Théâtre Français par la butte des Moulins. À la moitié du chemin, je compris que je m'étais fourvoyé dans une démolition générale. Mais il y avait presque autant d'imprudence à reculer qu'à poursuivre ou à rester. Devant, derrière, à droite, à gauche, partout, les pans de murs s'écroulaient avec un bruit de tonnerre. Des nuages de poussière obscurcissaient le ciel, les ouvriers criaient gare en brandissant de longues lattes, les chariots chargés de décombres creusaient des vallées de boue entre des montagnes de plâtras. La terre tremblait, il pleuvait des moellons et des briques. Sans arrêt, on entendait le grincement des treuils montant les pierres de taille, le déchargement brusque des planchers de fer, la clameur de ce peuple d'ouvriers accompagnée du bruit des pioches et des marteaux. Mais par-dessus tout, ce qui assourdissait les gens, c'était la trépidation des machines. Tout marchait à la vapeur, des sifflements aigus déchiraient l'air. L'architecte, craignant de ne pas être prêt, se décida à faire travailler la nuit. De puissantes lampes électriques furent établies et le branle ne cessa plus. Donc c'est un bâtisseur, mais c'est quand même beaucoup aussi un démolisseur. Certains ont parlé de l'assassinat de Paris. Quelle est votre opinion ? Alors il y a deux choses. Là, en ce qui concerne ce passage, ce qui est frappant, c'est que l'auteur traverse les travaux de l'avenue de l'Opéra. Et la butte des Moulins et tout. Et là, c'est une des meilleures choses qu'il ait faites. C'est là qu'avait notamment le problème de choléra. Donc, vraiment, on peut pas lui reprocher ça, cet ensemble-là. En revanche, il y a des choses qui... Par exemple, une chose vraiment terriblement regrettable, c'est autour de Notre-Dame. Il y avait beaucoup de petites maisons. Il y avait une vingtaine d'églises. De manière et tout. C'était un truc fantastique. Fantastique. Et là, c'est vraiment dommage. C'est sans doute, on aurait actuellement le plus bel ensemble moyenâgeux du monde, actuellement. Alors, il y avait deux choses à faire. Il y avait Napoléon III, lui, voulait faire un grand jardin, et avec un grand parc, avec autour Notre-Dame et puis la Sainte-Chapelle. Bon, Haussmann, c'était les guerres extérieures et tout. Bon, Haussmann, finalement, n'a pas pris ça. C'est dommage. C'est dommage, parce que les bâtiments qu'il y a sont extrêmement laids. Regardez. La préfecture de police. Ah oui, mais oui, et puis le palais de justice. Quand vous pensez que la magnifique Sainte-Chapelle, vu comme elle est, mais j'ai jamais vu ça. Mais elle est enserrée. Voilà, bah oui, mais c'est un massacre. Non, là, franchement. Là, vous n'êtes pas d'accord. Oui, ah non, Alors, comment termine-t-il sa vie ? Parce que encore une fois, après l'épisode parisien qui va durer quand même une vingtaine d'années, ça n'est pas tout à fait fini. Il a toujours besoin de reconnaissance, Haussmann. Oui, et puis d'argent, là. D'argent aussi, hein. D'argent, de reconnaissance, et puis c'est un actif. C'est le travail aussi. Il veut faire des choses. Il est parti à Constantinople. En Turquie, pour essayer de faire un petit peu ce qu'il avait fait à Paris. Et tout, oui. Mais ça marche pas très bien. Ben non, parce que en plus, vous comprenez, à Paris, il avait quand même le soutien de l'empereur. Ça, c'est essentiel. C'est pour ça que j'insiste, parce que sans l'empereur, il n'y a pas d'Haussmann. Donc vous pensez qu'il était un exécutant, simplement ? Non, c'est pas ça. C'est que lui, il pouvait être arrogant parce que l'empereur le soutenait derrière. Ah non, c'était pas un exécutant, absolument, non. Mais il avait le soutien de l'empereur. Et c'est comme à l'époque de Gaulle en France. C'est-à-dire, un gars qui avait le soutien de Gaulle, il était un peu plus à l'aise pour créer, je sais pas moi, la force de frappe. Alors, il va faire de la politique parce qu'il y a aussi cette lubie, on peut dire. Il veut absolument être élu. Alors, il va se présenter dans le sud de la France, aussi à Ajaccio, député. En Corse, pourquoi ? Parce qu'il pense que la Corse étant le pays de Napoléon, il est bonapartiste. Donc, effectivement, il essaie de faire une carrière politique dans le parti bonapartiste. Ça ne marche pas parce qu'il est trop cassant, et puis finalement, il n'est pas très sympathique. Oui, il n'est pas fait pour ça. Manifestement, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour être élu. Mmh. Hein. Et puis, alors, il termine sa vie en écrivant ses mémoires, dont on a beaucoup parlé durant cette émission. Elles sont intéressantes, ces mémoires ? Écoutez, elles ne sont pas géniales, quand même. Elles ne sont pas géniales parce qu'elles sont, elles sont extrêmement intéressantes sur ses travaux. Mmh. Mais vous voyez, et puis un peu le début. Mais enfin, il dit pas. Enfin, en fait, c'est pas un homme à faire des mémoires parce que il est trop orgueilleux et tout pour se livrer. Ouais. Alors, il vaut mieux lire les biographies qui ont été faites au sujet d'Haussmann, dont la vôtre qui a été publiée par les éditions Flammarion. Tout de suite la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique qui vous est présentée aujourd'hui par Guillaume Périlou du magazine Têtu. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Vous nous parlez d'un roman à paraître dans une dizaine de jours. Il s'appelle La Réaction et on le doit à Côme Martin Kral. Oui, c'est le troisième roman de Côme Martin Kral qui paraîtra précisément le 6 février aux éditions Gallimard. Il s'agit d'une dystopie qui se situerait dans un futur proche, à Paris, dans une dizaine d'années peut-être, et qui met en scène un certain Mathieu Richard. Mathieu est un jeune trentenaire un peu paumé et désabusé, sans emploi, comme beaucoup de gens de cet âge-là. Dans le désarroi et dans la solitude, il se met à fréquenter différents mouvements d'extrême droite, des groupuscules. Il intègre l'un d'entre eux, le Renouveau Réactionnaire, un groupuscule catholique intégriste, où il est amené par son ex, Maximin, revu au détour d'une manif. C'est là que Mathieu va rencontrer peut-être l'amour de sa vie, Enguerrand, Khalid, de son vrai prénom. Au final, c'est brillant ce livre, on a le sentiment de lire ce qui pourrait réellement se passer un jour dans un futur proche. Il avait, dit l'écrivain lui-même, l'envie d'écrire sur ce qui lui fait peur, la montée de l'extrême, la banalisation d'un discours, surtout un climat ambiant, et puis aussi questionner la présence des homosexuels à l'extrême droite. Pourquoi les homos aujourd'hui sont-ils si nombreux à voter dans la vraie vie pour le parti de Marine Le Pen? Côme Martin Kral a choisi la droite de la droite presque comme un sujet d'étude, après avoir justement étudié la sociologie à l'EHESS et à Normale Sup et commis un mémoire sur un groupuscule italien d'extrême gauche. Il fait ici de l'extrême droite, l'autre extrême de l'échiquier politique, une satire, un milieu de troll à la radicalité aussi admirable que finalement ridicule. Au début du livre, on peut lire par exemple « Le propriétaire de cet appartement s'appelait Yvon Sayac de Livès. Il avait 29 ans, mais la tête de quelqu'un de 19 qui allait mourir à 25. Il avait des sympathies libertariennes et envisageait son logement comme une communauté politiquement incorrecte où il réunissait des gens qui partageaient son point de vue. Peine de mort, état faible, dérégulation généralisée, darwinisme social, privatisation des sols, des sous-sols, de l'école, de la police, de la monnaie, de l'armée, de la santé, de l'air, du feu et de l'eau. » Donc il y a aussi une dose d'humour visiblement dans ce livre. Oui, c'est peut-être tout ce qui donne sa force à ce livre. C'est un roman aussi glaçant dans le fond que drôle sur ce conservatisme idéologique et religieux. Prenons cet autre passage, comme Martin Kral écrit dans la bouche du narrateur Mathieu, auteur d'un blog, Béarnais de Souche. « Béarnais de Souche, mon joyau avait été suspendu. J'étais défendu par des comtes de gauche. Un petit cénacle de lesbiennes radicales m'apportait même son soutien. » Il y a de l'humour, donc un cynisme distant et une grande acuité qui rappelle la plume d'un autre auteur, celle de Michel Houellebecq. Martin Kral admire l'auteur des Particules élémentaires et ça se sent. D'humour, il en était déjà question en 2017 dans son deuxième roman, Styles. Là, comme Martin Kral s'était mis dans la peau d'un fan. Le fanatisme peut-être tient une obsession. Un fan d'Harry Styles, chanteur des One Direction, boys band sucré pour ados enamourés. Il n'en reste pas moins que là aussi, il avait voulu prendre le regard d'un sociologue. La littérature, dit-il, étant une forme de sociologie avec Annie Ernaux assise en haut de la pile et Édouard Louis sur les bancs de ses contemporains. Écrire avec humour n'est finalement pas pour lui le moyen de faire passer un message, de rendre digeste un propos qui serait étouffant. Non, comme Martin Kral est en fait fidèle à lui-même, puisque comme Martin Carle, est drôle. Il ne se prend pas, en tout cas en apparence, pas au sérieux. Il pourrait même avoir l'humilité des gens intelligents, ceux qui n'aiment pas beaucoup s'attarder sur eux. À 40 ans, Martin Carle ne sait pas d'ailleurs, pour parler de lui, jusqu'à quand il continuera d'écrire. Puisque qui sait, demande-t-il, si, dans 40 ans, écrire un livre aura encore un sens. Voilà, La Réaction est un roman à paraître aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Guillaume Périlou, du magazine Têtu. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Marie-Claire Oumabadi. Demain, nous continuerons de raconter la vie d'Haussmann, mais en nous concentrant davantage sur le moment des grands travaux parisiens, et ce sera avec Nicolas Chaudin. Dans un instant sur France Culture, on retrouve les sciences.